بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد. On continue بإذن الله, mes frères, nos cours de tafsir. Et nous avons terminé بفضل الله سبحانه وتعالى le tafsir de surat الشرح. Et nous allons continuer avec la prochaine surat, surat الضحى. فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. الضحى هو أول النهار وفيه النور والضياء. Donc الضحى c'est le premier moment de la journée, au tout début de la journée, lorsqu'il y a la lumière, hein, et les rayons du soleil qui apparaissent, hein, qui est présente, qui sont présents. C'est le début de la journée. Et Dhuha, hein, il est répandu chez les gens, hein, le temps de Dhuha. Et là donc Allah subhanahu wa ta'ala jure wad-duha. Le wa ici, hein, il jure par ad-duha. Wal-layli idha saja ay al-laylu idha ghata al-ard wa sadala 'alayha dhulamihi fa aqsama Allah ta'ala bi shay'ayn mutabayinayn أولهما الضحى إذا انتشر وملأ الأرض ضياء ونورا والثاني الليل إذا يغشى وفي الظلمة. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit lorsqu'elle recouvre la terre, hein, et donc elle jette sur la terre la pénombre, hein, l'obscurité. Donc Allah Azza wa Jal ici jure par deux choses différentes, deux choses opposées. La première, c'est Ad-Duha, lorsque la terre est remplie de lumière, hein, de clarté. Et la deuxième, c'est la nuit, lorsqu'elle est enveloppée par quoi ? Par la pénombre, l'obscurité. Hein, il y a une opposition ici. Et ça, vous le remarquez dans le Coran. Ça fait partie du usloub du Coran. Le Coran, il a des, on pourrait appeler ça en français, des figures de style. Et notamment le fait de mentionner deux choses opposées. Hein, et les exemples sont très nombreux. Et là notamment wad-duha wal-layl idha saja, deux choses qui sont opposées. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka wa ahmalaka. Ça veut dire quoi? Ma wadda'aka rabbuka, ça veut dire ton Seigneur ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas négligé. Il parle à qui là? النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وما قلى أي وما أبغض بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وسلم وما قلى c'est-à-dire il ne t'a pas détesté mais plutôt la créature la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'on sait c'est qui c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa li hadha ikhtarahu Allah li a'zami ar-risalat wa afdal al-umam wa ja'alahu khatam an-nabiyyin fala nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est pour ça donc que Allah Azza wa Jal l'a choisi pour la plus extraordinaire ou le plus extraordinaire de ses messages pour la meilleure des communautés. Il l'a fait le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il n'y a plus de prophète après lui. Donc Allah a choisi pour le meilleur message, pour la meilleure des communautés et pour être le dernier prophète, il a choisi qui ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahad al-khalilayn alladhayni ikhtassa bi hadhihi sifati al-'azima wa hiya al-khullah. والخله اعلى انواع المحبه وليس من عباد الله فيما نعلم من هو خليل الله الا ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا والحديث في صحيح مسلم. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un des deux Khalil par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a spécifiés avec cette caractéristique extraordinaire qu'est Al-Khulla. On a déjà parlé dans nos cours précédents. C'est quoi Al-Khulla? C'est la plus haute catégorie de l'amour. Tu ne peux pas aimer plus une personne. C'est la plus haute catégorie. C'est le khulla. C'est au-dessus de mahabba. C'est au-dessus de l'amour encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné à aucun de ses serviteurs ce rang-là. Le rang de Khalil. Excepté pour deux. Ibrahim alayhi salam wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'autre ne bénéficie de ce bienfait. Al-khulla. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme Khalil, tout comme il a pris Ibrahim comme Khalil, comme l'a rapporté l'imam muslim. » Yaqulu azza wa jalla nabihi sallallahu alayhi wa sallam « Wasbil li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina fa'aynu Allah ta'ala » تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فما تركه الله عز وجل بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتدي رفعته في الدنيا والآخرة الله أكبر كما قال في السورة التي تليها ورفعنا لك ذكرك Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam et patiente au sens approché, il dit dans surat At-Tur, patiente et endure sur le jugement de ton Seigneur et certes tu es sous nos yeux. C'est-à-dire il est sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège, il le préserve, il le garde. Subhanahu wa ta'ala, il est celui pour qui il a dit à qui il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui te voit lorsque tu te lèves et voit tes gestes avec ceux qui se prosternent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé son messager, il ne l'a pas abandonné, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a englobé ou a entouré son messager de sa science subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de son attention subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et autre que cela parmi les caractéristiques qui indiquent l'honneur qu'Allah Azza wa Jal a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette dunya et dans l'akhira. Comme on l'a mentionné dans la sourate qui vient après, vous vous rappelez dans Sourate al-Sharh, on a dit quoi ? Wa rafa'na laka dhikrak. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné et nous avons élevé pour toi ta mention, le fait que ta mention est répétée. On l'a mentionné, ça, on a expliqué ce que ça voulait dire. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa lal akhiratu khayrun laka min al ula wa hadhihi al jumla muakkada bil lam lam al ibtida wal akhira hiya al yawm alladhi yub'athu fihi an nas wa ya'wuna ila mathwahum al akhir ila al janna aw ila an nar. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette phrase où il dit sans s'approcher, et certes la vie d'après est meilleure que la première vie. Et cette phrase elle est venue avec, encore une fois, un outil dans la langue arabe pour affirmer, pour confirmer. C'est quoi cet outil ? C'est le lem. Walal akhira. Normalement, c'est quoi là, ce qui est la base ? Wal akhira. Alif lem, anita alif, wal akhira tout. Mais là, il dit walal akhira tout. On pourrait se poser la question, pourquoi ici il y a un lem ? Al lem, il vient quoi ? At-tawkid. Il vient affirmer, confirmer. Walal akhira tout. Khaylul laka min al-oula. C'est-à-dire, l'akhira, c'est le jour où les gens seront ressuscités. Et ils seront amenés à leur demeure finale. Soit le Jannah, le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas d'endroit, un troisième endroit. La demeure finale, soit le paradis, soit l'enfer. Et rappelez-vous, on avait mentionné la parole de Cheikh Al-Uthaymin, et il est bien de la rappeler, sur l'erreur des gens. Quand quelqu'un meurt, il dit il est parti à sa demeure finale, ou il est parti dans sa dernière demeure. On avait parlé de ça. Même en Wolof, il y a une expression, je crois, sur cela. Il est parti dans sa dernière demeure. C'est faux. C'est faux. Le Cheikh a dit c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Quand tu meurs, où est-ce que tu vas ? Al-Barzakh. Dans la vie d'Al-Barzakh, qui est la vie entre Ad-Dunya et Al-Akhira. Donc ce n'est pas ta dernière demeure. Tu es en transition dans le Barzakh. Mais la dernière demeure, c'est le Jannah ou Al-Nar. Il n'y a pas un troisième endroit. Al-Muhim. On va essayer de ne pas trop sortir du sujet pour terminer le passage qu'on doit expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et certes, Al-Akhira est meilleur pour toi que la première vie, c'est-à-dire la vie de la dunya. La vie de la dunya. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وموعد صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Et pourquoi l'Akhira est meilleur pour toi ? Parce que dans l'Akhira, il y a quoi ? Dans l'Akhira, il y a ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que aucun cœur d'être humain ne peut imaginer. Hein, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était rapporté dans un hadith, hein, l'espace de la cravache que le cavalier utilise, hein, d'un d'entre vous au Jannah est meilleur que toute la dunya, ce qu'il y a dedans. Hein? Vous avez les fouets ou la cravache que les cavaliers utilisent? C'est petit ou c'est grand? C'est mince, c'est fin, n'est-ce pas? Hein? Donc ici, les ulema ont expliqué ce hadith en expliquant qu'est-ce qu'il veut ici. Il veut montrer que le al-qalil minha khayr min ad-dunya wa ma fiha. C'est-à-dire le peu, le tout petit peu du Jannah est meilleur que toute la dunya et ce qu'il y a dedans. Subhanallah. Ça, c'est un hadith, hein, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله اختار ما عند الله كما أعلن ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته حيث قال وهو على المنبر إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وتعجب الناس من بكائه كيف يبكي من هذا ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة وأن هذا إيذان بقرب أجله الله أكبر. Et c'est pour ça, mes frères, regardez, subhanallah, regardez le usloub de Cheikh Al-Uthaymeen ici, ou dans son tafsir en général, comment il arrive, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallahu ta'ala, à connecter les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les versets, pour qu'on comprenne le sens, des fois la situation, et des fois les bénéfices qu'on retire de ces versets. Hein? Malgré le fait que le verset ici qu'on mentionne et le hadith que le shir mentionne, hein, y a pas un lien direct, ni temporellement, on va dire. Le hadith n'est pas descendu pour ce verset-là. Le hadith-là, il n'a pas été mentionné pour ce verset, en termes de chronologiquement. Mais shir, il vient te mentionner ici, il te mentionne le hadith pour te montrer le lien qu'il y a entre les deux, entre le verset et le hadith, au niveau du sujet. Subhanallah. Et ça, vous l'avez remarqué depuis le début des cours sur le tafsir. Comment Shir Al-Uthaymeen, rahimallahu ta'ala, arrive à mentionner les textes de la sunna, ou des fois d'autres passages du Coran, pour venir expliquer ou clarifier ces versets du Coran. Et comme ça nous rappelle l'introduction qu'on a fait sur le tafsir, on avait dit quoi? Le meilleur tafsir, c'est quoi? Tafsir le Coran, bil Coran. Ensuite, tafsir le Coran, bil sunna. Barakallahu fik. Là, il nous mentionne un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ses compagnons lors de sa maladie. Hein, lorsqu'on dit lors de sa maladie, c'est-à-dire la maladie avant qu'il décède, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné que Allah azza wa jal a donné le choix à un de ses serviteurs de vivre dans cette dunya, ce qu'il est en train de vivre, ou ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était sur le minbar, certes un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Allah lui a donné le choix entre le fait de vivre dans cette dunya, ce qu'Allah souhaite, et entre le fait de vivre dans cette dunya ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'il vive, et entre le fait ou entre ce qu'il y a ou entre ce qu'il y a auprès de lui et ni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce serviteur a choisi quoi? Ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr le Siddiq radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Et imaginez la scène, mes frères. Hein? Ça, c'est pas des histoires inventées. Là, c'est pas des contes d'enfants qu'on on veut faire passer le temps, où on veut amuser les gens, où on veut, hein, c'est comme les fables, hein, on invente des histoires pour donner une morale. C'est pas ça le but. C'est quoi le but ici? Ici, c'est des histoires vraies, ça s'est vraiment passé. Il y a plus de 1400 ans, hein, à des milliers de kilomètres d'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout sur son minbar et tous les compagnons, la grande partie des compagnons étaient là. Et ils écoutent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous la scène. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cette parole. Hein? Imaginez-vous à la place des compagnons. Et lorsqu'il mentionne ces paroles, on entend Abu Bakr pleurer à chaudes larmes. Les gens, ils se regardent. Les sahaba, ils se regardent, ils sont étonnés. Hein? Et celui qui a rapporté le hadith, hein, le chir ne l'a pas mentionné ici, mais c'est Abu Sa'id al-Khudri. Il dit, les gens étaient étonnés. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a ce ils l'ont appelé Al-Shir al-Kabir, ce vieillard, qu'est-ce qu'il a à pleurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un homme à qui on a donné le choix entre la dunya et ce qu'il y a auprès d'Allah, et lui il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah, et Abu Bakr il pleure. Hein? Le hadith ici il est coupé, hein? Le shir il a juste mentionné ce qui était voulu, d'accord? Mais après, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Abu Bakr il a dit on donnerait nos mères et nos pères en rançon pour toi, ya Rasulallah. Alors les gens disent, qu'est-ce qu'il a c'est Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a à pleurer, à dire ce genre de paroles? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de Abu Bakr, hein, sur les hadiths qu'on a déjà mentionnés dans nos cours précédents. Hein. Et Abu Bakr radiallahu anhu avait compris le sens du hadith. Et Abu Saïd a dit, on a compris que c'était lui qui était le plus savant de nous tous. C'est lui qui connaissait le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cette personne à qui on avait donné le choix, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci annonçait quoi? La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr l'avait compris. Et tous les autres ne l'avaient pas compris. Radiallahu anhu majma'in. Donc ici le prophète, il annonçait. C'était une annonce. Que sa mort était proche. Et Abu Bakr avait compris. C'est quoi ici? Pourquoi on mentionne ici? Voilà, on mentionne. Hein, regardez la corrélation entre le verset et le hadith. Hein? Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et l'akhira est meilleure pour toi que la dunya. Et là, c'est quoi? On a donné le choix entre la dunya et ce qui est auprès d'Allah. Le prophète a choisi ce qui est auprès d'Allah parce qu'il sait ce qui est meilleur pour lui. Fahimtum? ثم قال الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف اللام هذه ايضا للتوكيد نعم وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهله والزمن donc ici on rentre un petit peu dans la langue arabe encore une fois ولسوف on a un lam encore ici qui est un lam pour venir affirmer confirmer appuyer et سوف hein, c'est un mot qu'on rajoute devant un verbe, hein, afin de mentionner que ceci va se passer, hein, Annie, afin d'approuver, mais que ça va se passer quand? Dans le futur. Hein, dans le futur, pas maintenant, dans le futur. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hein, yu'tika rabbuka, ay, yu'tika ma yardik fatarda. Wala qad a'tahu Allah. ما يرضيه صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه فإذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى أولاه خمسة أولهم أبو البشر لا عفوا أولاه خمسة أولهم أبو البشر ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأولاه الأربعة عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, c'est-à-dire hein, Allah va te donner ce qui te satisfait et tu seras satisfait. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui lui a satisfait. En effet Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera yawm al-qiyama le prophète et il va lui donner quoi? Maqam al-mahmoud. Maqam al-mahmoud. Hein? Qu'on pourrait traduire, mais la traduction ne nous donne pas trop d'indications, mais pas hein, la position louable. Hein? C'est quoi cette position louable? C'est plus que hein, les premiers et les derniers vont le louer pour ça. Ainsi que tous les messages, tous les prophètes, et même Ulul Azm. Ulul Azm, qui sont les meilleurs des messagers, les cinq meilleurs messagers. Hein? Aucun d'eux ne pourra atteindre cette position qu'atteindra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sera Yom al-Qiyama. Lorsque les affres, ou lorsque l'angoisse, lorsque la peur sera insurmontable, sera extraordinaire pour les créatures, et que leur affaire sera terrible, alors ils vont s'interroger les uns avec les autres, et ils vont se dire, allons chercher quelqu'un qui intercède pour nous. Ils seront à quel endroit? Al-Muqif, c'est la terre où se retrouvera toutes les créatures, tous les êtres humains, après que l'heure a sonné. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, ils seront réunis sur cette terre qu'on appelle Al-Muqif. Et ils attendront quoi? Al-Hisab, le jugement. Ils seront dans une peur, dans une angoisse effrayante qu'on ne peut imaginer. Qu'on ne peut imaginer, mes frères. Ils seront nus, pieds nus, incirconcis. Hein? À tel point que Aïcha a été étonnée quand elle a entendu le hadith. Les hommes et les femmes nus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, leur affaire sera tellement terrible qu'ils ne penseront même pas à regarder la nudité des autres. Imaginez-vous, mes frères. Imaginez-vous un endroit où tous les êtres humains, où des hommes et des femmes sont nus. Et personne ne regarde la nudité des autres tellement qu'ils ont peur. Est-ce qu'il y a une peur sur terre qui peut être semblable à celle-ci? Impossible. Hein? Même si par exemple des voleurs te regroupent des gens, hein, ils les mettent nus, hein, ils les menacent avec des armes, hein, c'est une peur effroyable. Même ça, les gens ils vont regarder la nudité des autres. Ils ne pourront pas s'empêcher de regarder la nudité des autres, n'est-ce pas? Et là, tellement que la peur, l'angoisse sera terrible, hein, personne ne va se préoccuper de la nudité des autres, subhanallah. Al-Muhim, ils vont se dire. Les gens vont dire, cherchons quelqu'un qui intercède pour nous. Hein? Alors ils vont aller voir Adam, Aboul Bachar, hein, le père de l'humanité. Nuh, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa. Hein? Et ces quatre-là, Ibrahim, Moussa, Isa, hein, les quatre font partie de qui? Ce qu'on appelle Ulul Azm, les meilleurs des messagers. Et aucun d'eux va vouloir prendre la responsabilité. Ils vont tous s'excuser et délaisser cette affaire. Excepté qui prendra cette position? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maqam al-mahmoud, l'intercession, al-shafa' al-kubra. Et donc il rencontrera son Seigneur, il intercédera pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est très long, hein, et on l'a déjà mentionné plusieurs fois durant nos cours. Wala shak an hadha ata'un 'azim lam yanalhu ahadun min al-khalq Et donc il n'y a pas de doute que ceci est quelque chose d'extraordinaire qu'Allah a donné à son messager. Hein? Et personne parmi les créatures ne peuvent bénéficier, hein, ou avoir, hein, cette chose qu'Allah Azzawajal a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah dit « Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda » Et certes Allah va te donner, hein, et tu seras satisfait. Certes ton Seigneur va te donner et tu seras satisfait. Ensuite, ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة. جميل جدا. Regardez subhanallah comment chire. Et là, on voit la différence, subhanallah, entre l'ulema, hein, et les gens de la masse. L'ulema, subhanallah, ils ont une compréhension, une clairvoyance, hein, que les gens de la masse n'ont pas. Voilà pourquoi ils sont au-dessus des gens. Dans l'honneur, dans le rang, dans le degré. Hein. Et donc les gens doivent revenir aux ulema, aux savants de la sunna. Ceux qui sont ancrés fermement sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Hein? Et il est impossible que les gens de la masse, hein, puissent s'autosuffire et délaisser le ulema, les savants de l'islam. C'est impossible. Ils sont obligés de retourner vers eux dans leurs affaires. Dans leurs affaires religieuses, mais aussi dans leurs affaires mondaines. Hein? Certaines affaires mondaines, tu as besoin de jugement. Qui va te les donner? Hein? Ça va être le mécanicien, ou le maçon, ou le boulanger, qui va te dire comment, est-ce que ceci c'est permis, est-ce que ceci est interdit? Non, ça va être les ulema, les savants. Mais pas les pseudo-ulema, attention, pas les pseudo-savants, hein? Ceux qui sont sur internet et qui font des fatwas, hein, matin, midi, soir, et qui ne maîtrisent même pas, hein, les sciences qu'ils propagent. Hein, ou alors qui sont sur une voie égarée et qui propagent leur voie égarée et leurs croyances égarées et leur méthodologie égarée. Non, c'est pas eux les savants. Les savants, c'est ceux qui sont ancrés fermement sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et qui sont reconnus par les autres savants comme étant des savants. Hein? Ils ne sont pas spécifiques à un pays ou à une origine, etc. Les ulema, hein, ne sont pas, hein, spécifiques à un pays ou à une origine. On peut avoir des ulémas en Afrique, on peut avoir des ulémas en Asie, on peut avoir des ulémas à Médine, à Mecca, on peut avoir des ulémas des Arabes, des non-Arabes. La science n'est pas restreinte à un pays ou à une origine. Shir al-Albani venait d'où ? D'Albanie. Un pays d'Europe, d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des Arabes. Et pourtant, il y a un plus grand shir de notre époque. Hein ? Cheikh Mohamed Ali Al-Éthiopie, il venait d'Éthiopie, il était un grand cheikh qui habitait à Mecca, il venait d'Éthiopie, un Africain. Et on peut citer comme ça, là on parle des contemporains, et on ne parle même pas des anciens, parce que les anciens, on en a déjà parlé, hein, que l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim n'étaient pas des Arabes. Hein? Al-Muhim. Regardez ici, Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit. Cheikh Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite clarifie, hein, les bienfaits et les faveurs qu'il a donné précédemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'appuyer dessus sur les faveurs qu'il va lui donner plus tard. Hein? Tout comme on t'a fait des faveurs avant, tu auras des faveurs et des bienfaits après. Et parmi ces faveurs après, on a dit, hein, l'intercession qui lui sera accordée. Et là, Allah Azza wa Jalla maintenant lui mentionne ces faveurs qu'il lui a accordées auparavant. Il reste combien de temps ? 5 minutes. Bon, on peut continuer. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit « Alam yajidka yatiman fa'awa » Là, il mentionne une première faveur qu'il lui a accordée auparavant. Hein ? وهنا الاستفهام هنا للتقرير. لا يبوز الله سي ان فورم انتروغاتيف. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? Et il a accueilli. Ici, c'est une question. Mais c'est une question pour affirmer. Même en français, on a ce procédé. Hein ? Quand, par exemple, ton ami, hein, il t'a trahi. C'est pas moi qui a construit ta maison. C'est pas moi qui a construit ta maison. Hein ? Il veut confirmer. Hein ? Il veut confirmer. C'est pas moi qui t'a emmené à l'hôpital là, quand t'étais malade. Hein ? Et maintenant, tu me trahis ? Hein ? Donc Allah, Azza wa Jal, bon, dans mon exemple en français, c'est à des fins de... comment dire ? Pour reprocher. Là, c'est pas un reproche dans le verset. Hein. Je veux juste vous montrer qu'une question, hein, elle peut être utilisée pour confirmer. C'est pas pour une réponse. On n'attend pas la réponse. On veut confirmer une chose. Là, Allah, Azza wa Jal, dit, ne t'avons tout pas... Ne t'a-t-il pas trouvé, excusez-moi, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il a accueilli. يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فأواك يتيما من الأب ويتيما من الأم فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه. وهنا أشير إليكم أن قد اختلف أهل السيار والأخبار في التحديد وفاة آمنة بنت وابن أم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها توفيت وعمره صلى الله عليه وسلم 7 سنين كما قال ابن عبد البار وبعضهم قالوا 6 سنين كما ذكره الحافظ ابن كثير وقيل كذلك 4 سنين أن العلماء اختلفوا في سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه آمنة. بإذن الله مع الدكتور إن شاء الله سيبين لنا الخلاف بإذن الله. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam orphelin et il l'a accueilli, orphelin du père et orphelin de la mère. En effet, quand son père, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort, le prophète avait quel âge ? Il était dans le ventre de sa maman. Il n'était pas encore né, sallallahu alayhi wa sallam. Et son père est mort avant de sa naissance, Abdullah. Et sa mère, ici, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que sa mère est morte, avant qu'elle puisse compléter l'allaitement. Et donc là, wallahu alam, honnêtement, c'est la première fois que j'entends cet avis-là. C'est-à-dire, à quel âge l'allaitement ? À 2 ans. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il semble vouloir dire que sa mère est morte avant que le prophète avait 2 ans. Cependant, les ulémas ont divergé sur l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa mère est morte. Certains ont dit qu'il avait 7 ans, comme Ibn Abdelbar. Vous connaissez Ibn Abdelbar ? Hein ? Il habitait où ? Au nord de quoi ? Ibn Abdelbar, c'est un grand savant du Madhab Maliki. Hein? Normalement, ici, il doit être connu. Hochem ? tu hésites. Vous vous rappelez pas ? Fil Andalous. Hein? Il vient de l'Andalousie, Ibn Abdelbar. Il est mort en quelle année, on avait dit ? Il y a un mémo technique que je vous avais donné. 400 Ahsan Ti Akhi, Mumtaz, 463. Et qui est mort la même année que lui ? Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, Kana, fi Baghdad. Il était où, Al-Baghdadi ? À Bagdad, à l'est. Et Ibn Abdelbar, il était où ? En Andalousie, complètement à l'ouest. L'Andalousie, c'est l'Espagne, la Portugal. Hein? Et la même année, hein, l'étoile de l'est est mort et l'étoile de l'ouest est mort. Rahimahullah wa ajma'in. Il y a 2 grands savants de l'islam qui ont laissé un héritage scientifique extraordinaire. Al-Khatib, il a des dizaines, voire des centaines de livres dans beaucoup de domaines, et surtout dans la science du hadith. Et Ibn Abdelbar, pareil, il a des dizaines de livres, et notamment l'explication du Muwatta. Il a expliqué 2 fois le Muwatta de 2 façons différentes, qui sont les meilleures explications. Et il y a de nombreux livres. Et notamment l'Al-Isti'ab, hein, qui est un livre où il a regroupé le nom des Sahaba. Hein? Et c'est là dans ce livre qu'il mentionne que la mère du prophète est morte, et il avait 7 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, lui, dit non, il avait 6 ans. Et c'est ce qui est le plus connu généralement. Ce qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans lorsque sa mère est morte. Et d'autres ont dit 4 ans encore. Mais l'avis qui dit en dessous de 2 ans, celui que le Cheikh Al-Uthaymin a mentionné, personnellement, je ne l'avais pas lu. Je ne l'avais pas lu auparavant. Allahu alam sur quoi s'est basé Cheikh. Hein? Cependant, quoi qu'il en soit, que le prophète sa mère soit morte alors qu'il avait 7 ans, 6 ans, 4 ans ou 2 ans, dans tous les cas, il est orphelin de la mère aussi. Parce que l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père, hein, avant qu'il ait atteint l'âge de puberté. D'accord ? Ou sa mère, avant qu'il ait atteint l'âge de la puberté, il rentre également, on dit orphelin de la mère, hein, orphelin du père. En français, c'est le même mot. Un orphelin pour le père et la mère. En arabe, il y a une différence, al-muhim. On va faire l'adhan et on continuera après, inshallah. Juste pour compléter le fa'ida, hein? Ahlul lugha yaqulun, les gens de la langue arabe, ou certains savants de la langue arabe mentionnent que al-yatim alladhi faqadahu abahu. Al-yatim, c'est celui qui a perdu son père. Celui qui a perdu seulement sa mère, bien sûr avant le boulour, avant la puberté, on l'appelle, vous savez, Al-Aji. D'accord ? C'est celui qui a perdu sa mère uniquement. L'orphelin du côté de la mère. Et celui qui a perdu ses deux parents, il y a aussi un nom en arabe. Vous savez comment on dit ? Al-Latim, avec un ta. Al-Latim. C'est celui qui a perdu sa mère et son père. Hein ? Regardez la langue arabe comme elle est, subhanallah, précise. Et subhanallah, méticuleuse. Al-Yatim, dans la langue arabe, c'est celui qui a perdu son père uniquement, avant la puberté. Il a sa mère. Al-Aji, c'est celui qui a perdu que sa mère, mais son père est vivant. Al-Aji, avec un jim. Non, Al-Ajiyu. Hein? Et celui qui a perdu sa mère et son père avant la puberté, on l'appelle Al-Latim, avec un pa. Al-Latim. Hein? Bon, malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra terminer l'explication du verset parce que la prière est proche. Ce qu'on fera la semaine prochaine, bi'idhnillah, on reprendra juste ce verset-là. Hein? Le verset qu'on vient d'expliquer, Alam yajid kayati man fa'awa. Hein? On le réexpliquera rapidement et on le terminera, inshallah, avec le reste de la sourate la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Fa'jazakum Allahu khayran. Wallahu ta'ala a'alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته